Unité 12. Le masculin et le féminin des noms utilisés pour les choses. On dit un ou une jardin? Un jardin. C'est un mot masculin. On dit un ou une place? Une place. C'est un mot féminin. Prononciation. Quand le nom est terminé par « e », le dernier son entendu est celui de la consonne. Musique. France. Ville. Immeuble. Étage. Quand le nom est terminé par une consonne, on ne prononce pas cette consonne finale et le dernier son entendu est un son vocalique. Un billet. Un magasin. Une maison. Quand le nom masculin est terminé par L, C ou R, on prononce la consonne finale. Un animal. Un sac. Un ordinateur. Le soir. On n'entend pas le R dans les mots terminés par IER. Un cahier. Un escalier. Les finales TION et 2SION ont la même prononciation, sion. La solution. La profession.